des séquelles marques du passé qui ne rappelle la souffrance et la haine. Dès lors qu'il se nage, il ne se rend même pas encore compte qu'une erreur est commise. Se retrouve en cloque à peine au plus jeune âge. Les pervers et les accros, les pas pros et leurs tonneaux. La dernière est une de trop, ça dégénère. Puis la donnée se coupe fatale, un coup de trop face à sa femme. Main levée et à quel prix nous regrettons le geste. Un jean vers un jean, mais un jean bref. Agrandit sa force naturelle, naturellement. Moi j'avance sur de moi là, mais en l'air, mais jamais pour frapper, ni toucher pour regretter mes choix après, non. Regarde, tu peux voir la joie, combien elle aime les choses. Dans ce regard, tu vois la haine. Dans ce regard, tu vois le tout. Prête à tout, même à te couper. Les amendes de trop, ça va coûter cher à la haine, ok. Aïe aïe aïe, ça va pas coûter à la haine, ok. À vous, tu sais dans ton regard, ces petits gestes que tu t'es fasciné, que tu t'es passé. Tu te croyais déjà cassé, merde, assez con, elle te l'a fait à l'envers. L'amour, tu sais, véridique, regardez, c'est déprimé, c'est déprimant. Tu malgré tout. Tu t'es cru dans un conte de fées. J'ai vu les faits, je suis défait. Ce monde est mal fait, bourré de défauts. Exemple type, regarde ces pieds qui se touchent, qui veulent te la mettre profond. C'est pour ça que le regard sur eux est malfaisant, bienfaisant. Un regard sur le monde à présent. Désolé, mais c'est vexant. Des hommes qui m'aiment me suivent, des hommes qui m'aiment me soutiennent. Si c'est plus que ça, on me désire. Si c'est plus que ça, on me désire. A tous les pitoukiers, les lovers, vous êtes mal, vous êtes fait niquer, vous êtes fait tromper, comment vous dire quoi. Avant tout, lisez dans le regard des gens, les anges te halent, ils se foutent bien de toi. L'amour te rend fou, tu sais, moi je l'admire mais je m'en fous, tu le sais. Dans le regard des gens. SY2AZ3. Dans le regard des anges. Dans le regard des anges. Moi ça y est, j'en ai assez. Moi ça y est, j'en ai assez.